c'est les Viosa. Et pas les Viosa. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Stupide bitch joufflu, ça les abîme. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais le dégommer à l'arbalète quand même. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Le Bon, la Brute et le Roman, le podcast lecture de Revue Far West. Je suis Clémence Postis et dans chaque épisode, je vais partager avec vous deux romans que j'ai aimés. Comme nous sommes un média local basé en Nouvelle-Aquitaine, à chaque fois, au moins un des deux romans sera édité ou écrit par quelqu'un du coin. Et comme d'habitude, on commence par le livre du coin. Les Moutons électriques est une maison d'édition basée à Bordeaux et qui a commencé à publier en 2013 la saga Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski. Alors, on va pas se mentir, conseiller des livres d'imaginaire francophone en proposant un livre de Jean-Philippe Jaworski, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Son roman Gagner la guerre, paru chez le même éditeur en 2009, a notamment remporté le prix Imaginal du meilleur roman francophone et a déjà été adapté en bande dessinée chez Le Lombard. Mais nous allons parler ici de sa dernière série, le cycle Roi du Monde. Attaquons-nous donc au premier tome de cette saga, baptisé Même pas mort. Bélovèze, fils de Sacrovèze, fils de Bélinos, est un Celte. Et accessoirement, un prince déchu après que son oncle, Ambigate, a tué son père. Exilé toute son enfance avec son frère et sa mère, il est rappelé sur le champ de bataille par ce même oncle. Ambigate, qui ne peut pas tuer ses propres neveux de ses mains parce que, quand même, ça la fout très mal, autant auprès des dieux qu'auprès du peuple, il a la bonne idée de les envoyer à la guerre. Avec un petit peu de chance, l'ennemi Ambronne, avec qui ils sont en guerre, va se charger de ces deux-là. Et effectivement, Bélovèze est tombé au combat. Transpercé par les lances, il devrait être mort. Sauf qu'il ne l'est pas. Oups. Vous l'aurez peut-être compris, Même pas mort est un récit qui se passe en terre celte, bien avant que César ait décidé que Biturige, Lémovis et autres Pictons étaient tous des Gaulois. Nous sommes dans la Gaule antique, que j'ai située un petit peu arbitrairement à moins 600 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'un Bélovèze, neveu du roi Ambigate, a vraiment existé, ou en tout cas est une figure mi-historique, mi-légendaire, plus souvent considérée comme complètement mythique, mentionnée dans l'œuvre du romain Tite-Live. Quoi qu'il en soit, on sort dans ce récit-là de l'habituel Romain versus Celte pour s'immerger dans une époque où les Celtes se suffisaient à eux-mêmes pour se foutre sur la gueule. Vous l'aurez peut-être compris au résumé, nous sommes dans un récit de fantaisie historique. Jean-Philippe Jaworski a prêté beaucoup d'attention au contexte de son roman, aux us et coutumes des Celtes, leurs croyances bien sûr, mais également leur mentalité telle qu'ils se l'imaginent. Le tout saupoudré d'une dose de fantastique somme toute légère. Alors oui, Bélovèze est un homme mort, qui marche. Mais bien souvent, difficile de démêler le vrai fantastique de la croyance des personnages ou même de leurs hallucinations. Le tout donne une ambiance vraiment particulière entre le rêve et la chronique. Tout le récit est à la première personne, car Bélovèze, désormais vieux, décide de raconter sa vie à un invité de passage chez lui. Bélovèze est celte, autrement dit, il n'écrit pas. Seules les paroles comptent. Alors, cet étranger à sa table, qui ne parle jamais et qui est en réalité une projection du lecteur dans le récit, va écrire son histoire pour lui. L'avancée dans l'histoire est ainsi soumise aux digressions de Bélovèze, comme le serait, dans la réalité, celle d'un vieillard qui veut résumer toute son existence le plus précisément possible. La temporalité du récit est ainsi éclatée en trois grandes parties qui s'entremêlent. L'enfance de Bélovèze, la bataille qui lui a coûté la vie, et sa quête pour retrouver sa place dans la société celte après ce malheureux incident. Car c'est là que se tient le principal nœud de l'intrigue. Vivant alors qu'il aurait dû mourir, personne ne sait que faire de ce mort qui marche. Il est ainsi frappé d'interdits druidiques et doit compléter une quête bien compliquée pour pouvoir revenir parmi les vivants. Passé, présent, rêve, tout s'entremêle dans le récit de ce vieil homme. Tout prend ainsi une authenticité inattendue, celle des souvenirs racontés avec subjectivité et au fil de la mémoire. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous laisser porter par l'histoire. Oui, il y aura des batailles, mais il y aura surtout du récit, du quotidien dans le folklore et la hiérarchie celte, et une langue envoûtante qui vous invite elle aussi au lâcher-prise. Non, vous ne comprendrez pas tous les mots employés par Jean-Philippe Jaworski. Mais rien n'est incompréhensible, vous avez le contexte. Alors, lâchez le dictionnaire et laissez-vous porter par ce monde mystique, violent, mais aussi incroyablement poétique. Vous n'êtes pas là pour vous poser des questions, pour avoir un avis ou pour avoir des attentes. Vous êtes là pour écouter au coin du feu, après un banquet copieux, l'histoire de Bélovez, fils de Sacrovez et neveu du roi Ambigate. Une plongée dans le quotidien des peuples celtes, sur fond d'honneur et de quête initiatique, c'est Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski aux éditions des Moutons électriques. Alors, on va rester un peu au temps des Celtes. C'était pas forcément prévu, mais cet épisode, semble-t-il, a clairement une thématique. Je vous conseille chaudement l'intégrale du cycle de Mithra de Rachel Tanner, paru aux éditions Mnemos. L'histoire de cette série est un peu particulière et passée à côté de ce diptyque beaucoup trop facile. L'empreinte des dieux et le glaive de Mithra sont deux romans qui sortent en 2002 chez l'éditeur Imaginaire sans frontières, qui coule en 2003. En 2007, les deux romans reviennent sur le marché chez Point dans leur collection Fantasy. Problème, cette collection lancée en 2006 ne rencontre aucun succès commercial et est abandonnée dès 2008. Disponible un temps chez ActuSF au format numérique, l'histoire de Rachel Tanner a bien failli sombrer dans l'oubli, faute d'avoir une chance réelle auprès du public. Heureusement, la spirale infernale s'est calmée. Mnemos propose aujourd'hui une très belle intégrale de ces deux romans et de nouvelles prenant place dans l'univers créé par Rachel Tanner. Croyez-moi, pouvoir lire ces romans relève du miracle et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Le cycle de Mithra est ce qu'on appelle une uchronie. On prend une période historique donnée et on modifie des éléments plus ou moins importants pour que l'histoire du pays, voire du monde, soit complètement différente. Une uchronie très connue en ce moment via la série Amazon Prime est celle du roman Le Maître du Haut Château, qui imagine ce qu'il se serait passé si le débarquement avait été un échec et que les nazis avaient gagné la guerre. Ici, pas de nazis, nous sommes dans un empire romain décadent, proche de sa fin, au 8e siècle après Jésus-Christ. Tout est comme dans les livres d'histoire, si ce n'est qu'il n'y a pas vraiment d'avant ou d'après Jésus-Christ. Au lieu de s'être converti au christianisme, Rome vénère le dieu Mithra. Et figurez-vous que Mithra et le mithraïsme a été une vraie religion qui s'est propagée dans tout l'Empire romain et qu'apparemment ça s'est joué à pas grand-chose pour que ce culte, lui aussi monothéiste, supplante un christianisme naissant. Et on touche ici au gros point fort de l'intrigue. Rachel Tanner, historienne et archéologue de formation, a fourni un travail de recherche absolument dantesque. Elle décrit avec précision le culte de Mithra. À la fin de l'intégrale, vous trouverez d'ailleurs plein d'infos sur ce culte si vous avez envie de donner une autre dimension à la lecture. Mais même sans avoir toutes les infos réelles, cela joue quand même sur l'histoire et son contexte, parce qu'on y croit. On est immergé jusqu'aux sourcils dans cette Rome en fin de règne, sur fond de persécutions religieuses. Dans cette histoire, nous suivons Judith, fille d'un seigneur celte qui veut bien faire semblant de prier Mithra tant qu'on l'embête pas trop. Mais Judith va recevoir un appel des dieux. Elle doit rejoindre la magicienne Ygraine et devenir son apprentie. Sa cousine Frédérique, quant à elle, devient prêtresse de Mithra à Rome, car elle a une vengeance à accomplir et a Judith dans son collimateur. Et pendant ce temps, l'Empire romain est bien dans la galère, avec les peuples germaniques en révolte, des armoricains bien trop indépendants et des tribus décidées à ne plus se laisser dominer par Rome. L'Empire est sur le déclin, mais c'est surtout une bataille divine qui se joue en arrière-plan, celle des anciens dieux, bien décidé à remplacer celui qui veut les dominer, Mithra. Le fantastique a ici une place prépondérante, avec de la magie en action. Les deux romans ont une narration à plusieurs points de vue. Dans le tome 1, on va suivre ce qui se passe à Rome, avec plusieurs personnages, mais aussi ce qui se passe du côté des Germains, et, bien sûr, l'apprentissage de Judith. Le lecteur est complètement omniscient. Si tous les autres points de vue sont à la troisième personne, celui de Judith, en revanche, est à la première personne, pour que l'on s'imprègne bien du fait que l'héroïne, c'est elle. L'histoire est absolument géniale, il y a de la magie bien sûr, beaucoup de mysticisme, des complots, des batailles, le tout mené d'une main de maître par la plume de Rachel Tanner. On est encore une fois face à un incontournable de la fantasy historique et une maîtrise absolument parfaite de l'uchronie. Dans cette intégrale, il ne manque finalement qu'une chose, un troisième tome qui, je pense, aurait dû voir le jour si la vie de cette saga n'avait pas été aussi mouvementée. Le cycle de Mithra de Rachel Tanner aux éditions Mnemos est une occasion à ne surtout pas manquer de découvrir cette histoire. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté mes petites recommandations lecture. Le Bon, la Brute et le Roman est un podcast produit par le média local Revue Far West, enregistré et réalisé par mes petites mains. Vous pouvez retrouver Revue Far West sur notre site revue-farwest.fr, sur Facebook, Instagram ou même Twitter. Si vous voulez vous adresser directement à moi, partager un coup de cœur, me faire des recommandations ou juste me dire bonjour, retrouvez-moi sur Twitter à @clempostis ou bien par mail sur clémence@revue-farwest.fr.